Dossier 6. Leçon 1. Parler de ses sensations. Activité 8. Marie Dubosc, quelle est votre saison préférée? L'été. J'adore l'été. Et pourquoi aimez-vous cette saison? Parce que je suis née dans le sud de la France. Dans ma ville natale, il fait toujours beau et chaud. Maintenant que j'habite dans le nord, le soleil me manque. En relation avec cette saison, une odeur particulière? L'odeur de la lavande coupée. Un bruit? La mer, le bruit des vagues. Une émotion? La joie de voir les enfants jouer dans l'eau. Un objet, une chose? Un parasol, bien sûr. Une sensation? Le sable chaud sur la peau. Une chose à boire ou à manger? Les glaces, beaucoup de glaces. Une image? Je suis assise sur la plage, j'assiste à un coucher de soleil et je suis heureuse. Marie Dubosc, je vous remercie.